Le 13 courant, le Rassemblement social national pour la Fédération et le Parti communiste de la Fédération de Biélorussie a rendu public le 13 une déclaration en faveur des exercices de tir des engins balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée.